rage et cerveau à l'école, c'est abus de pouvoir. Le tyran qui prend le monopole, c'est abus de pouvoir. Le contrôle musclé dans les halls, c'est abus de pouvoir. La censure de nos paroles, c'est abus de pouvoir. Un état qui déconne, c'est abus de pouvoir. Un achat qui s'envole, c'est abus de pouvoir. La liberté qui dégomme, c'est abus de pouvoir. Et la censure de nos paroles, c'est abus de pouvoir. 50% d'abrutis dans ce pays, 50% qui font pas marcher leur QI. J'ai tout cuit d'après leur sondage, média matraquage. Et si tu causes trop, MC, on te met en cage. On met en cause l'abus de pouvoir, vision de cauchemar. Pour ceux qui peuvent plus voir, tellement de merde à l'horizon. C'est pour ça que les lits s'empilent dans les prisons. Priant, les prix ont doublé dans les étalages. Mec, qu'est-ce que tu pressens, le gros décalage. C'est comme le Titanic, les troisième classe reste au fond, pris dans la panique. Tu trouves ça pas net, regarde le prix de la banette. Ça crève la faim sur toute la planète. Quand d'autres n'ont pour Dieu qu'un certain, c'est net. Les masses s'énervent, respire le salaire, c'est sale salaire. Ça se tue au taf pour un sale salaire. Lavage de cerveau à l'école, c'est abus de pouvoir. Le tyran qui prend le monopole, c'est abus de pouvoir. Le contrôle musclé dans les halls, c'est abus de pouvoir. Et la censure de nos paroles, c'est abus de pouvoir. Un état qui déconne, c'est abus de pouvoir. Un achat qui s'envole, c'est abus de pouvoir. La liberté qui dégomme, c'est abus de pouvoir. Et la censure de nos paroles, c'est abus de pouvoir. Parce que y'a de l'abus de pouvoir dans l'air. LER, place sévère, constat sévère. Mais faut l'avouer, mec, on n'est pas voué à l'échec. Et à l'état, jamais dévoué. Des fois, je vois qu'à trop d'abus. Comme si les flics tiraient à coups d'obus. Mais on y est presque, mec, sans deck. Y'a de l'abus de pouvoir, de plus en plus d'impôts. Et l'État venait pour boire, te faire payer plein pot. Ça se dit démocratique, mais ouais, la liberté. Quand c'est un sale critique et nique, censure sans même écouter. Abus de pouvoir dans ma ville, les cons dérodent plus que nous, et c'est drôle. Des contrôles abusifs, rendant vénère ou agressif. Mate les manifs, les CRS frappent tous les types. L'État manip, TF1 en bras droit de la République. Lavage de cerveau à l'école, c'est abus de pouvoir. Le tyran qui prend le monopole, c'est abus de pouvoir. Le contrôle musclé dans les halls, c'est abus de pouvoir. Et la censure de nos paroles, c'est abus de pouvoir. Un état qui déconne, c'est abus de pouvoir. Un achat qui s'envole, c'est abus de pouvoir. La liberté qui dégomme, c'est abus de pouvoir. Et la censure de nos paroles, c'est abus de pouvoir. Abus de pouvoir, c'est un procureur avec des putes dans l'audit TT. Abus de pouvoir, c'est un flic avec ses mots mal placés. C'est un président qui se prend pour un roi, un chef d'état qui contourne les lois. L'abus de pouvoir, c'est mépriser la terre, d'envoyer des militaires, tirer sur leurs frères, le permis à point, payer l'hosto avant de recevoir les soins. Tout ça c'est d'abus de pouvoir. Abus au travail, trop de patrons te prennent pour un esclave. C'est grave, à quand l'abolition du droit de grève. Les conditions s'aggravent et à ce qu'on dit les sons sont graves. Abus de pouvoir, liberté restreinte, jour après jour l'espoir s'éteint. Prends coup sur coup, mais je veille pour qu'il reste debout. Et du reste, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je voudrais rappeler à ceux qui critiquent tant la France, que la France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire. Lavage de cerveau à l'école, c'est abus de pouvoir. Le tyran qui prend le monopole, c'est abus de pouvoir. Le contrôle musclé dans les halls, c'est abus de pouvoir. Et la censure de nos paroles, c'est abus de pouvoir. Un état qui déconne, c'est abus de pouvoir. Un achat qui s'envole, c'est abus de pouvoir. La liberté qui dégomme, c'est abus de pouvoir. Et la censure de nos paroles, c'est abus de pouvoir.